Chapitre 2. Un personnage secondaire. Tu as de la chance, mon vieux, que je ne t'ai pas brûlé la politesse ce soir. D'ailleurs, si je suis venu à notre rendez-vous, ce n'est pas pour tes beaux yeux, mais uniquement parce que je pense que tu pourrais m'être utile au cours de mes investigations. Je te remercie, tu es poli. Évidemment, quand on est en plein roman, un pauvre vieux camarade d'enfance ne compte plus, sinon comme accessoire. Enfin, tu me récompenseras en me donnant un rôle dans ton bouquin. Juré. Hip hip hip, hurrah ! Fred Blake, aviateur, passe à la postérité. Sinon comme recordman, du moins comme héros de roman. Lorsque, errant dans les ténèbres du crime, tu auras besoin d'un bras fort, je serai là. Et Fred Blake, sous la manche de son veston bien taillé, fit saillir ses muscles. Les deux jeunes gens étaient confortablement installés dans de grands fauteuils, devant une petite table basse chargée d'apéritifs en un coin du hall de leur club select. Jim Joy, en pleine veine narrative, finissait de compter sa journée. « Tu vois, mon vieux, que mon premier chapitre est bien amorcé. À l'épilogue de détective amateur, je passerai détective privé, à moins que Scotland Yard et l'Intelligence Service ne s'arrachent cette jeune gloire de la patrie. En tout cas, Lady Gwendoline Ormsby a plus de confiance en moi qu'en mon brave constable de frère. La preuve, c'est qu'elle désire me revoir pour me consulter et pour apprendre les résultats de mon enquête particulière. Une femme, tout ce qu'il y a de bien, mon vieux, la vraie lady. Le charme imposant de la grande dame. Ce nom aristocratique de Gwendoline lui convient à merveille. Il n'y a qu'un an qu'ils sont mariés, bien qu'elle approche déjà de la quarantaine. Sir Patrick l'a ramenée d'Irlande, et on dit dans le pays qu'elle est fort riche, car, depuis le mariage, il mène un train de vie luxueux. Il a pu se consacrer entièrement à sa marotte, collectionner les bijoux anciens, et, tout récemment, il en a acquis d'admirables. Mais, mon vieux, je ne comprends pas la tactique des bandits. Pourquoi enlever les collectionneurs et non pas les collections? Laisse-moi donc raconter. Tu gâches mes effets. Justement, j'allais te le dire. Tu crois, toi, qu'on n'a pas enlevé les collections? Dame, tous les journaux du soir ont annoncé que la police, pour éviter de nouveaux agissements des malfaiteurs, a mis les scellés sur les 3 collections. Les bijoux de Sir Patrick, les médailles du professeur von Jammertal, la galerie de tableaux du comte di Mirandello, et que rien n'y manque. Jim eut le petit rire amusé de Sherlock Holmes devant le brigadier du village, qui tente de lui expliquer une affaire mystérieuse. En effet, rien ne manque, sauf l'authenticité. Comment ? Tout simplement, chacun des objets de valeur est remplacé par un vulgaire fac-similé. Cet après-midi, avant de faire apposer les scellés sur l'ordre de Scotland Yard, j'ai proposé à Lady Gwendoline de s'assurer une fois de plus que rien ne manquait à la collection de Sir Patrick. Un voisin de Godalming, Sir William Parkeston, grand connaisseur lui aussi en matière de bijoux, était venu apporter son concours à Lady Gwendoline. En examinant de près un bracelet ayant appartenu à la princesse de Lamballe et que lui-même a vendu à Sir Patrick il y a quelques jours, il s'est aperçu avec horreur que les pierres étaient fausses. Une barbarie d'ailleurs. On a laissé la monture ancienne et enlevé les pierres précieuses. Sir William est d'autant plus agité que Hornsby ne lui a même pas encore payé le bracelet. Évidemment, Lady Gwendoline s'en chargera au besoin. Mais il s'agit, plus que de l'argent et plus que des bijoux, de la disparition de Sir Patrick. Cela revient au même, puisqu'on a réussi à s'emparer des objets de valeur, à quoi bon enlever leur propriétaire? De quelle utilité cela peut-il bien être pour les malfaiteurs? Mystère. En attendant, car, logiquement, les motifs ne peuvent manquer de nous apparaître. Le cours des événements se trouve déjà précipité par la découverte des collections truquées. Découverte due au jeune et brillant auteur. Mais dis-moi, comment les malfaiteurs ont-ils pu s'introduire dans le manoir et y demeurer assez longtemps pour effectuer la substitution, La propriété n'est donc pas gardée. Elle l'est jour et nuit par un des hommes du chef constable, sans compter le jardinier et les domestiques. Le policeman montait la garde devant la grille d'honneur. Toutes les autres entrées sont verrouillées. Le mur est hérissé de pointes. Le salon des émeraudes est situé dans l'aile de la maison où se trouvent les chambres à coucher et Sir Patrick dormait toujours avec un revolver près de lui. Alors, laisse-moi souffler. Il y a 1000 possibilités. Un des domestiques peut appartenir à la bande. Les Hornsby pouvaient être endormis par un narcotique. Il peut y avoir une entrée secrète dans le mur du jardin. Le génie criminel peut avoir forgé un plan diabolique. Quel génie ? Celui qui est derrière tout cela, parbleu ! Comment le sais-tu ? Je ne le sais pas, mais ça ne fait pas l'ombre d'un doute. J'ai besoin d'un génie criminel, et je le trouverai au moment opportun. Les personnages nécessaires m'arrivent au fur et à mesure des exigences de mon œuvre. Par exemple, il me fallait dès le début un auditeur complaisant afin de discuter les hypothèses possibles et d'applaudir à mes trouvailles. Un tremplin pour mes exploits, une sorte de personnage secondaire me servant de repoussoir. Tu es charmant. Mon rôle, décidément, se dessine de plus en plus séduisant. Selon les règles de l'art, c'est moi qui devrais décrire tes exploits. Sherlock Holmes avait besoin de Watson pour le mettre en lumière, Arsène Lupin de Maurice Leblanc, mais toi, tu as en même temps ton héros et ton biographe. J'entends parler de littérature policière, retentit une voix joviale au fort accent américain, et je me doute que M. Joy est là. Comment allez-vous, futur Conan Doyle ? Les deux jeunes gens se levèrent avec empressement. M. Phineas Wentworth était plein de cordialité, d'humour, d'indulgence et de dollars, qualité qui lui valait l'estime et la sympathie de tous les membres du club. Directeur du consortium panaméricain de viande congelée, il était surnommé dans le monde entier « roi des abattoirs ». Il prit place entre Joy et Blake et, refusant d'un geste les cigarettes que lui apportait le boy, tira de sa poche une magnifique pipe sculptée qu'il alluma lentement en caressant ses contours d'un doigt amoureux. « Elle est belle, n'est-ce pas, ma hollandaise ?» Je sors ainsi de temps en temps de leur écrin l'une ou l'autre de mes favorites et je la promène avec moi, histoire de lui faire prendre l'air. « Avez-vous vu la rue sans ivoire sculpté que m'a vendu le grand-duc ? Un chef-d'œuvre. Êtes-vous bien sûr, sœur, qu'il ne manque rien à votre fameuse collection de pipes, ou du moins qu'aucune d'elles n'a été remplacée par une copie ?»« une copie de mes pipes !» Wentworth éclata de rire. « Mon cher, votre imagination créatrice vous égare. Vous voyez peut-être sur mon front le signe fatal me désignant comme la quatrième victime des bandits mystérieux. Quelle vaste blague! Vous verrez que toute l'histoire n'est que du bruit pour une omelette. Ce brave Sir Patrick aura voulu se reposer d'une lune de miel qui dure depuis 13 mois. Mirandello sera parti quelque part acheter une toile intéressante sans en avertir son factotum. Et Von Jammertal... Qu'est-ce que ce Jammertal? Demanda Jim. On n'entend pas beaucoup parler de lui. Que voulez-vous ? Il en parle tellement lui-même. Comment ? Vous osez ignorer la personnalité du professeur, docteur Karl Wilhelm von Jammertal, zu Hohenhagen, apôtre de la croix gammée, ami personnel du chef des nazis, chargé de créer à Londres un parti hitléro-fasciste, le pur sang teuton qui collectionne toutes les médailles, pourvu qu'elles soient militaires, et qui détient à l'université de Cobourg la chaîne de pan-germanisme, nationalisme, militarisme, racisme, créée spécialement pour lui, la coqueluche de plusieurs duchesses qui ont contribué par des sommes considérables à la création du dit parti. Figurez-vous que ce bon Jammertal a voulu me taper aussi. Et vous n'avez pas marché ? Je préfère investir mon argent dans mes pipes et dans mon business. C'est plus sûr que chez un adjudant du bel Adolphe qui disparaît tout à coup en mission secrète, si toutefois il n'est pas supprimé par un rival politique vengeur. « Tiens, tiens, » murmura Jim. « S'il s'agissait d'une organisation internationale secrète avec des attaches politiques, ça se fait beaucoup, ça ?»« Vous dites? Je dis qu'à votre place, sœur, j'engagerai un bon détective pour me surveiller et un autre pour garder mes pipes. À votre âge, Joy, dit Wentworth, en lui tapant sur l'épaule avec bienveillance, j'avais aussi une imagination ardente. Si par hasard vous voulez veiller sur ma sécurité, je ne m'y oppose pas. Je vais de ce pas dîner au Ritz, où j'ai rendez-vous avec Miss Edith Fairfax, la fille d'un vieil ami de chez nous. La dernière fois que je l'ai vue, elle avait 2 ans, et il s'en est passé 20 depuis. Elle est descendue au Ritz ce matin, en arrivant à Londres. Vous voilà renseignée sur l'emploi de ma soirée. Ne manquez pas de vous trouver au Ritz, cachée dans un coin de la salle, et si on fait mine de m'enlever, protégez-moi. Et le millionnaire, avec un nouvel éclat de rire et un signe amical aux deux jeunes gens, fourra sa hollandaise dans sa poche et se dirigea vers la sortie. « On dîne ici ?» demanda Fred Blake. « Toi, si tu veux, moi, au Ritz, » répondit tranquillement le jeune auteur. Fred sursauta. « Comment ? Tu prends au sérieux la plaisanterie du roi des abattoirs ? Mais il se paye ta tête !»« Ma tête, » répondit majestueusement Jim, « vaut assez pour que Wentworth même n'ait pas les moyens de se la payer. »« Attention, mon vieux, tu deviens d'une solennité effarante. » Ton honorable frère, Jonathan Smith, commence à déteindre sur toi. » Jim, qui n'aimait pas les allusions à sa parenté avec le chef constable, se leva. « Au revoir, Blake. N'oublie pas que pour tout parfait détective, il existe 2 choses suprêmes, l'intuition et la chance. Je vais où le flair m'appelle. Je sens que Wentworth, avec sa soirée au Ritz, me fournira mon 3e chapitre. » Tu as contribué au 2e, c'est bien. Pour le moment, je n'ai plus besoin de toi. Efface-toi, mais tiens-toi toujours à ma disposition dès qu'il me faudra un personnage secondaire. Je te ferai signe.